Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais évoquer avec vous un sujet qui est extrêmement passionnant, qui est celui des assurances sur la mort et qui montre un visage de l'assurance vie sur le continent américain. Ce phénomène a été décrit dans une vidéo sur TV5 Monde baptisée Assurance sur la mort, publiée le 24 juillet 2021, et relate l'enquête du journaliste François Pillet. Alors, ce journaliste, François Pillet, constate qu'une partie des Américains vendent leur assurance vie à des fonds spéculatifs. Ces fonds ayant pour objectif de parier sur la non-survie, c'est-à-dire sur le décès de ces personnes qui leur cèdent leur contrat d'assurance vie. En somme, pour dire les choses de manière beaucoup plus crue, ces fonds spéculatifs parient sur la mort très proche de ces Américains. En effet, le but de ces fonds spéculatifs, c'est d'avoir des bénéfices sur les contrats d'assurance vie de ces personnes qui vont bientôt mourir. Alors, comment fonctionne le mécanisme des assurances sur la mort? Eh bien, tout simplement, une personne comme par exemple moi souscrit un contrat d'assurance vie à un instant T. Vous savez qu'en France, il y a une durée, par exemple, de détention de 8 ans du contrat d'assurance vie et qu'il faut attendre 8 ans pour avoir les pleins effets fiscaux des contrats d'assurance vie. Eh bien, malheureusement, aux États-Unis, certains Américains ont besoin tout de suite d'avoir une somme d'argent pour payer leur retraite, parce qu'aux États-Unis, il y a très peu de mécanismes de retraite, mais également pour payer des frais médicaux. Et donc, l'avantage, et donc, que recherchent les fonds spéculatifs, c'est de racheter au plus bas prix ces assurances vie des Américains en contrepartie d'un chèque. C'est-à-dire que ces Américains ne vont pas attendre la fin hypothétique de leur contrat d'assurance vie, ils vont tout de suite percevoir un chèque. Comme ça, ils pourront payer leurs frais médicaux par exemple, ou alors ils pourront payer leurs frais de retraite. Si c'est la dette de soins et le surendettement dû à des frais médicaux qui poussent ces Américains à vendre, à céder leur contrat d'assurance vie avant terme à ces fonds spéculatifs. Les Américains qui sont concernés par cette pratique des assurances sur la mort sont des Américains qui rentrent dans des catégories très spécifiques. Ce sont très généralement des Américains qui ont des grands problèmes de santé, et d'ailleurs ces problèmes de santé sont attestés avant cession du contrat d'assurance vie par ces fonds spéculatifs, puisque ces Américains passent des examens médicaux. Et très généralement, ces examens médicaux révèlent, ou plutôt ne font que confirmer, une maladie très grave qui touche ces Américains, et révèlent également que ces Américains ont une espérance de vie de moins d'un mois. Et donc c'est parce que ces Américains ont une très courte espérance de vie que ces fonds spéculatifs rachètent leur contrat pour pouvoir ensuite les proposer à des investisseurs qui vont racheter le contrat, payer les primes d'assurance à la place des souscripteurs initiales, et à la mort du souscripteur initial, récupérer les cotisations accumulées avant la cession, plus les cotisations cotisées accumulées après la cession du contrat d'assurance vie, et les éventuels intérêts du contrat d'assurance vie. Et oui, il est là l'intérêt pour ces fonds spéculatifs. C'est de racheter au plus bas possible les contrats d'assurance vie des souscripteurs initiaux pour les revendre cher à des fonds spéculatifs qui, eux, vont miser vraiment sur les intérêts. Et donc, plus un fonds spéculatif va détenir longtemps le contrat d'assurance vie, moins il sera rentable pour ce fonds spéculatif. Le but étant de toucher le plus vite possible les intérêts. Et donc, c'est pour ça que ces fonds spéculatifs recherchent une catégorie d'Américains très spécifique, les Américains qui sont malades et qui vont mourir statistiquement dans le mois. Et donc, on parle d'industrie pour cette assurance sur la mort, donc c'est une industrie qui est morbide, comme vous l'aurez compris. Elle porte un nom aux États-Unis, c'est le Life Settlement. Désolé pour l'accent anglais. En bon français, ça serait règlement du vivant. En effet, les souscripteurs initiaux des contrats d'assurance vie perçoivent règlement, enfin un chèque et donc une partie de leur assurance vie avant de décéder. En fait, ils ne lègueront pas de capitaux, ils vont percevoir de leur vivant une partie des fruits de leur contrat d'assurance vie. D'où life settlement, perception du vivant. vraiment pour reprendre un point très important dans cette industrie, c'est que, et d'ailleurs le reportage sur TV5 Monde le précise très bien, les Américains qui cèdent leur contrat d'assurance vie sont des Américains qui sont choisis par ces fonds spéculatifs. Ce sont des Américains qui n'ont pas d'économie, puisqu'en fait ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins de retraités, et également qui sont surendettés, surendettement liés à des frais médicaux et qui possèdent des dettes de soins, qui sont étranglés par les frais médicaux, qui n'ont pas de retraite, et qui, en plus, vont bientôt mourir. Ils vont mourir dans le mois. Très important à comprendre. Cette pratique, cette industrie qui est morbide, et rapporte en fait un certain montant, on estime à peu près à 3 milliards d'euros par an. Et ce chiffre est de plus en plus important parce qu'il y a des spéculations et que des courtiers achètent pour revendre ces contrats d'assurance vie très spécifiques, ces life settlement, puisqu'elles sont beaucoup plus intéressantes pour les investisseurs que en comparaison de produits classiques comme les actions ou les obligations. Et donc il y a une espèce de spéculation, puisque les courtiers vraiment achètent pour revendre ces espèces, dans un très court terme, ces assurances vie pour la mort. Cette industrie morbide des life settlement est apparue dans les années 1990 pendant la pleine crise du sida. Les gens, en fait, se sentant mourir et ayant une espérance de vie très courte, eh bien, ils cédaient leur contrat d'assurance vie pour bénéficier de traitements de soins qui leur permettaient de soulager leurs derniers instants de vie. Le problème qui s'est posé à la fin des années 90, au début des années 2000, c'est la création de la trithérapie. En effet, cela était un problème non pas pour les personnes affectées du sida, mais pour les fonds spéculatifs, parce que les personnes affectées du sida avaient, pour le coup, une espérance de vie qui était beaucoup plus importante qu'un mois, des dizaines d'années par exemple, et donc tout l'intérêt en fait du life settlement basé sur l'espérance de vie très courte, moins d'un mois comme nous l'avons vu, des souscripteurs initiaux, eh bien, vole en éclat. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de faillites de compagnies de life settlement, parce qu'après la découverte de la trithérapie, parce que les personnes privilégiées, ciblées pour ce life settlement, étaient les personnes qui étaient contaminés par le sida, et comme leur espérance de vie était d'un mois à la base, eh bien tout allait bien, et puis après il y a eu la trithérapie, l'espérance de vie a été bouleversée, augmentée, ce qui est très bien pour ces personnes, mais pour ces compagnies, eh bien pour ces fonds spéculatifs, il y a eu des faillites. Dernier point que je souhaiterais aborder avec vous, le point suivant. Nous pourrions penser que nous, Européens, nous sommes à l'abri de ces idées américaines, de libéralisme à tout va et de non-respect de la personne humaine. Eh bien, il n'en est rien, puisque le documentaire de TV5 Monde révèle qu'en Suisse, eh bien, plusieurs compagnies d'assurance et plusieurs fonds de retraite investissent sur ces life settlement américains parce qu'ils sont confrontés à une augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées en Suisse et donc une obligation de payer de plus en plus de rentes. Or, les actions et les obligations ne sont pas assez rentables pour payer ces rentes à ces personnes âgées suisses. Et donc, plusieurs compagnies et plusieurs fonds spéculatifs suisses ont investi sur la détresse d'autres personnes âgées ou d'autres personnes malades aux États-Unis. Tout simplement.